C'est la Sporichem, Fichy, Marseille, Saint-Denis, Mont-la-Jolie, Barbès, Abdel. Assalam alaikum, du haut de mon 9e étage, au large de Paname, cité à Saint-Denis. Je pense au suicide, comme dirait Hichem, j'ai rien ici. Pas de voiture, pas d'argent, pas de maison, pas de bac, pas de papier. Émile et un keuf qui cherche à me déporter. Un autre combat, une autre journée, un autre texte, un autre mixtape. Avant de me lancer, 2 mètres de la fenêtre, ces marches me semblent interminables. Et y'a des gaori qui disent me comprendre. Ah, y'a des gens bizarres ici, Mohamed, cousin à l'aide. Aujourd'hui, deux bagarres, rien encore. J'y juge pas de patience, t'approches, j'entends. Dieu, purifie mon âme. Lâchez-moi, joue avec mon âme. Le clic-clic me calme, fixe les balles, pas de la grenaille. 9 mm directement d'Italie, Di Pietro Beretta, check saga. Comme dirait la scène, c'est de la balle. Le clic-clic de l'arme me calme sur Paname, la capitale du haram. Le clic-clic de l'arme me calme sur Paname, la capitale du haram. Le clic-clic de l'arme me calme sur Paname, la capitale du haram. Le clic-clic de l'arme me calme sur Paname, la capitale du haram. J'ai envie de jouer à roulette russe avec une Kalachnikov automatique. Quelles sont mes chances? Les mêmes que m'en sortir en France. Pourtant, je garde la foi en Dieu, je crois, alhamdoulilah. J'écris plus de 600 textes par année en français, 700 en anglais. Inch'Allah, je vais m'en sortir, sinon je vendrai mes textes aux maisons de disques de merde, qui signent artistes de merde, sans texte, merde. Et moi, alors, mes efforts, mon hardcore, race de mort, ça c'est reconnaître un être vrai, poussé par le vrai. La justice, stoppez votre vice. Vos artistes-là, eh bien, je les combats où vous voulez, comme vous voulez, comme vous voulez. Casey Hermanopi est vrai comme 27 ans de prison de Nelson Mandela. Et vous faut comme 27 Judas. Et je vous vois sur la C chez moi, Zarmasa, Zarmaga. Mais check mon Di Pietro Beretta. Si tu me vois, lance bas, je te lancerai en bas. Peace à Kaylin, le nouveau de la familia. Casey rempli de l'orgueil, représente de double H sur la capitale. Clichy, Mont-la-Jolie, Saint-Denis, Barbès, Père-Lachaise, Largogne, Orléans, Douadail, Maroc, l'Algérie, Kikikou, hein? Que qui est-ce que t'es, quoi? Je suis ta mère, nique ta mère, tu les tasses. Pas que ta manche, moi je t'ai mort. Le clic-clic de l'arme me calme sur Paname, la capitale du haram. Le clic-clic de l'arme me calme sur Paname, la capitale du haram. No, I never thought I'd ever live to see the day when y'all niggas will be bumping to the rhymes I say. And the rhymes I say ain't something that'll betray. So let me tell you how the D.O.A. where he is today. A confused G at 14, started my own regime. Teachers were convinced I was a fiend, a rough foe. Never knew the meaning of no. Always kissed my teeth and said so, G.A.D. and I go. But man, I know I used to make my mama holler, especially when she called me ganker purse for a dollar. I guess me in school wasn't meant to be. 15, chopper, 16, bayonets, clock. Le clic-clic de l'arme me calme sur Paname, la capitale du haram. Le clic-clic de l'arme me calme sur Paname, la capitale du haram. Mais tout ça change rien, ce n'est que des mots étranges qui pour certains sonnent faux. Dommage, tu es réaliste, optimiste, même réceptif aux critiques positives. Ah pourquoi c'est pas moi qui joue à Skyrock, Nova, Fun Radio, Europe 2, A2 FM, FPP, RTL, France Inter, Beurre FM. Je pourrais faire du bien avec la thune. Exemple, placarder les murs de Paris de photos d'enfants perdus. Faire venir mes frères de New York et Montréal qui ont perdu le moral. Ouvrir une salle pour faire la morale aux petits du quartier et s'entraîner à boxe. Un plan sans faille, mais sans thune j'ai la dalle. Alors je galère dans les halles, je vends mon CD à Rakaï. Représente mon quartier, mes entrailles comme le rail. Et tente de garder le moral, jour après jour malgré mes charges. Et tous les soirs je lave mon âme. La fenêtre grande ouverte dans ma cité au large de Paname. Et pense à mes choix, on dirait que tranquillement j'y crois. La pensée d'aider les gens avec mon argent, ça me rend un peu joyeux. Y crois-tu toi? Bah, je sais pas, pourquoi pas. Un shortcut, y crois-tu toi? Mariti, y crois-tu toi? Et toi, Hichem, et toi, Hichem. Caméléon, y crois-tu toi? Grand Anderson, et toi, Inch'Allah. Le clic-clic de l'arme me calme sur Paname, la capitale du haram. Le clic-clic de l'arme me calme sur Paname, la capitale du haram.